Tout le temps, posé sur le banc, j'm'évade en rêvant. Non, j'vis pas pour les gens, pas pour les gens. La rime va comme un gant, j'voulais pas faire comme les grands. Posté dès le matin dans le bloc, le machin dans le fuck. Lui qui teste dans le fuck, pour la peine, j'ai deux ou trois mixtapes en stock. J'fume un terre quand j'bloque, lui qui teste dans le fuck, pour la peine. Moula demi, la dose remi. Pour moi c'est rien, j'suis en damier, j'ai moins d'amis. Peu ça, terre l'Italie, Tony Mani. Faut j'pense à racheter un calibre, parce qu'on est pas libre. Même tout seul dans l'arène, j'tape sans arrêt. Des blessures de guerre, qui ne guériront pas. J'souris comme Vince dans la haine, j'tape sans arrêt. Une main sur le fer, elle est fit pour la colle ici. Tu dis viens voir par ici, sans sortir que c'est pas easy. Mon carreau fourgué de la résine, on veut s'arrêter dans les îles. L'avenir j'le dessine. Surnaturel, putain de ruelle, destin cruel, changer de tunnel, dans mes prunelles, un coin de ténèbres, goûte à ma haine, j'goûte à tes lèvres. Bientôt j'quitte la zone, trop de notifs sur mon phone, le million dans ma tête, une vue sur la mer, plus rien qui m'étonne, ils ont voulu m'éteindre, le respect tu me le donnes, ou bien tu niques ta mère. On repart de zéro dans la jungle, les géros, la nation ou la gendarme. Je vais trembler, sentir haut, veulent me faire comme Giro. Même tout seul dans l'arène, j'tape sans arrêt. Des blessures de guerre qui ne guériront pas. J'souris comme Vince dans la haine, j'tape sans arrêt, une main sur le fer. Elle est vite trop locale ici, tu dis bien vent par ici, sans sortir c'est pas easy. Mon carreau fourgué de la résine, on veut s'arrêter dans les îles, l'avenir je redessine.